intervention en direct. Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons entamer aujourd'hui, inshallah, tabarak wa ta'ala, le dernier volet sur la situation religieuse dans la péninsule arabique et dans les lieux saints de la Mecque. Et nous finirons, inshallah, tabarak wa ta'ala, par ce cours de l'introduction sur la sirah du prophète, alayhi salat wa salam, de telle sorte que nous entamerons la naissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous reste à voir ce quatrième volet qui sont les autres religions présentes dans la péninsule arabique et dans les lieux saints de la Mecque à l'aube de la prophétie. Le Cheikh Saif al-Rahman al-Mubarak Fouri, dans son livre Le Nectar Cacheté, al-Rahiq al-Makhtoum, a dit: cette religion, c'est-à-dire le polythéisme, l'idolâtrie, la croyance aux superstitions et autres, était celle de la plupart des Arabes. Sur ces entrefaits, les juifs, les chrétiens, les mazdéens, nous y reviendrons inch'Allah, les sabéens avaient trouvé le moyen d'accéder en Arabie. Quant aux juifs, il y a eu deux grandes vagues. La première, leur émigration de la Palestine, remonte aux conquêtes babyloniennes et assyriennes. Et résultat de la pression exercée par eux par Bukhtanassar, en 587 avant l'ère chrétienne. Celui-ci dévasta leur pays et détruisit leur temple. La plupart d'entre eux furent emmenés en captivité à Babylone, mais certains d'entre eux quittèrent la Palestine pour le Hijaz et s'installèrent en sa partie nord. La deuxième grande vague commença à partir de l'occupation de la Palestine par les Romains en 70 de l'ère grégorienne ou de l'ère chrétienne. En conséquence de la pression exercée sur eux par les Romains, de la dévastation et de la destruction de leur temple par ceux-ci, plusieurs tribus juives passèrent au Hijaz. Ils s'installèrent à Yathrib, qui deviendra Médine plus tard, Khaybar, à quelques kilomètres au nord de Médine, et Taïma, qui n'est pas très loin non plus. Ils y créèrent des villages et des forteresses, et ils répandirent la religion juive parmi une partie des Arabes, par l'intermédiaire de ces immigrants. Ces tribus jouèrent un rôle important dans l'échiquier politique de la Jahiliya, de la période anti-islamique, et aussi dans la scène politique du début de l'islam. À l'apparition de l'islam, les plus célèbres tribus juives étaient Khaybar, Banu Nadir, Banu Mustalaq, Banu Qurayza, Banu Qaynuqa. Nous y reviendrons en détail, inshallah, tabarak wa ta'ala, lorsque nous parlerons de l'immigration du prophète alayhi salat wa salam à Médine dans le cadre d'un traité de paix ou d'un pacte de non-agression. Ensuite, le judaïsme accéda aussi au Yémen par l'intermédiaire de As'ad Abi Karb. Celui-ci partit en guerre à Yathrib et embrassa le judaïsme et revint avec deux Hébreux de la tribu des Quraïda au Yémen. De ce fait, le judaïsme commença à s'étendre et à prendre de l'importance dans le sud de l'Arabie, au Yémen. Son fils, fils de As'ad ibn Karb, Yusuf Zunnouas, investit après lui, attaqua les chrétiens de Najran et les appela au judaïsme. Il s'en suivit des répercussions pour tout réfractaire. Le Saint-Coran d'ailleurs mentionne une partie de cet événement dans la sourate Al-Buruj. Quant au christianisme, il entra en Arabie par la voie de l'occupation de celle-ci par les Abyssiniens, les Éthiopiens et les Romains. La première occupation du Yémen par les Abyssiniens eut lieu en 340 de l'ère grégorienne et se poursuivit jusqu'en 378, époque à laquelle les missions chrétiennes entrèrent au Yémen. Presque au même moment, un ascète écouté, respectable et honorable, appelé Faymiyoun, entra à Najran et en appela les gens au christianisme. Ceux-ci, voyant en lui des signes de sincérité, répondirent à son appel et embrassèrent sa religion. Lorsque les Abyssiniens occupèrent le Yémen pour la deuxième fois en 525, peu avant la naissance du prophète, comme réaction à ce qu'avait apporté Zunnouas, Abraha parvint à y régner et à y répandre la religion chrétienne de la manière la plus large, au point même de construire une église ou un temple au Yémen qu'il appela Al-Ka'ba al-Yamaniya, la Ka'ba yéménite, pour concurrencer la Ka'ba qui se trouvait à la Mecque. Il voulait par cela détourner les Arabes en, dans un premier temps, détruire la Ka'ba et dans un deuxième temps, faire la promotion de la Ka'ba qu'il avait construite au Yémen. Chose qu'il ne put réaliser en effet, car Allah lui infligea une sévère punition sans préjudice du châtiment qu'il lui réserve dans l'au-delà. Se convertirent au christianisme aussi les Rassanides, les Bani Rassan, au nord de la péninsule, les Tarlib et les Bani Taï, du fait aussi de leur proximité des Romains. Il y eut aussi un certain nombre de rois de la région de l'Hira en Irak qui se convertirent au christianisme. Il y eut aussi comme religion présente le mazdéisme. Le mazdéisme est une religion de la Perse antique qui doit son nom à son dieu principal Ahura Mazda, et leur livre sacré est l'Avesta. Le mazdéisme a été la religion officielle des empires perses, entre autres. Le mazdéisme se retrouvait la plupart du temps chez les Arabes qui vivaient dans le voisinage des Perses ou de la Perse. Il y en avait chez les Arabes de l'Irak, à Bahreïn, dans la région de l'Ahfa, qui est une région centrale de la péninsule arabique, s'étendant du sud à Oman jusqu'au nord au Bahreïn. Et toutes les localités et les régions avoisinantes de la Perse, comme les côtes du Golfe arabique, que l'on appelle actuellement les Émirats Arabes Unis. Tout cela, dans la grande majorité, avait adopté la religion du mazdéisme. Des hommes du Yémen aussi l'adoptèrent comme religion au temps de l'occupation persane. Enfin, la troisième ou la quatrième grande religion que l'on trouvait est celle du sabéisme, As-Sabaïn. D'ailleurs, les fouilles archéologiques réalisées en Irak et ailleurs montraient qu'elle était la religion du peuple d'Ibrahim, les Chaldéens. La professait déjà une grande partie des gens du Chem et du Yémen depuis fort longtemps. Cependant, face aux nouvelles religions, le judaïsme, le christianisme notamment, il connut le déclin et une réduction considérable de son impact, même si l'on ne cessait de le retrouver chez les gens cohabitant avec les Mazdéens ou vivant dans leur voisinage en Irak ou sur les côtes du Golfe arabe. Telles étaient les religions des Arabes avant l'avènement de l'islam. Religions qui, dans leur ensemble, connurent la décadence et la ruine. Les polythéistes arabes, qui prétendaient être sur la religion d'Ibrahim, étaient loin de respecter les ordres et les interdits de la législation d'Ibrahim, négligeant ce que celui-ci avait apporté en termes de noblesse de caractère. Nombreuses, par conséquent, étaient leurs désobéissances. Avec le temps, ils finirent avoir les mêmes habitudes et traditions que les païens, et ceci influa énormément sur leur vie sociale, politique et religieuse. Pour ce qui est du reste des religions des Arabes, la situation des adeptes restait comparable à celle des polythéistes. Leurs cœurs se ressemblaient, leurs croyances convergeaient, leurs traditions et leurs habitudes s'accordaient. Fin de citation. En conclusion, malgré la présence et la propagation de ce polythéisme évident, il y avait chez les Arabes celui qui vouait à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif sur le monothéisme pur, suivant dans cela la religion d'Ibrahim alayhi salat wa salam, à l'instar de Zayd ibn Amr ibn Nawfal al-Adawi. Zayd ibn Amr ibn Nawfal al-Adawi de la tribu des Bani Adi, qui est une tribu Quraishite descendant de Ka'b ibn Lu'ay. Et d'ailleurs, une des figures importantes de cette tribu est Omar ibn Khattab, radiallahu tabaraka wa ta'ala. Zayd ibn Amr ibn Nawfal al-Adawi est le père de Sa'id ibn Zayd, qui, comme nous le verrons, inshallah tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine, est l'un des 10 élus du paradis que le messager a cité nominalement. Et il fait partie des Sabiqin al-Awwalin, c'est-à-dire des tout premiers croyants parmi les Mekkois. Cet homme, Zayd ibn Amr ibn Nawfal al-Adawi, ne pouvait cependant pas appeler les gens au monothéisme, au tawhid, alors qu'il avait autour de lui des puissants de Quraysh. La seule chose qu'il pouvait faire était de critiquer leurs offrandes adressées aux idoles, leurs adorations idolâtres et polythéistes. Regardons un instant ce que rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala, à son sujet. D'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhumah, أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نوفل بأسفل بلده قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. D'après Abdullah ibn Omar رضي الله عنه qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Zayd ibn Amr ibn Nawfal en contrebas de Baldar. Baldar est une petite vallée entre Tan'im et la Mecque. À notre époque, elle fait partie intégrante de la ville de la Mecque. Et cela avant que le prophète ne reçût la révélation. On apporta au prophète à manger des provisions d'un voyageur et il refusa d'en manger. Puis Zayd, à ses côtés, dit: je ne mangerai aucunement de ce que vous égorgez sur les pierres dressées, et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. Puis Abdullah ibn Omar de continuer de dire, Zayd ibn Amr critiquait Quraysh sur leur sacrifice et disait, la brebis, c'est Allah qui l'a créée, a fait descendre du ciel pour elle une eau, et a fait pousser l'herbe de la terre pour elle. Alors que vous, vous la sacrifiez au nom d'un autre qu'Allah, disant cela à titre de réprobation et par vénération d'Allah, Jalla wa'ala. Vous pouvez retrouver ce hadith dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, sous le numéro 3826. Les Arabes le laissaient tranquille, tant qu'ils ne se mêlaient pas de manière plus intrusive dans leur quotidien et leurs adorations. Ils se contentaient de se moquer de lui et le railler en public. Nous verrons que plus tard, le messager sallallahu alayhi wa sallam subira des représailles et des préjudices réels de la part de Quraysh, entre autres, pour le simple fait que le messager ne s'en soit pas tenu à quelques réprobations et quelques critiques. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dira: je suis entré au paradis et j'y ai vu Zayd ibn Amr ibn Nawfal à deux places éminentes, comme rapporté par Ibn Asakir et rendu bon par Cheikh Al-Albani, rahimahumullah. Cette parole peut signifier soit une information que le prophète nous donne, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il a vu Zayd ibn Amr ibn Nawfal au paradis à deux places éminentes, ou bien une invocation en sa faveur, c'est-à-dire qu'il invoque Allah tabarak wa ta'ala pour que Zayd ibn Amr ibn Nawfal ait ces deux places éminentes. Ceci comme l'a souligné l'imam Al-Manawi dans son livre Faïd al-Qadir, fi Sharhi al-Jami' al-Saghir. Dans le même registre, nous avons Waraqat ibn Nawfal, l'oncle de Khadija, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, qui était chrétien, sans que l'on sache s'il appelait les gens au christianisme ou non. Nous reviendrons sur son cas, inshallah tabaraka wa ta'ala, un peu plus tard. Ainsi, la prédication au tawhid, à l'unicité d'Allah, dans la péninsule arabique et dans les lieux saints de la Mecque, était minime, voire inexistante. Et c'est pour cette raison que l'on ne trouvait pas de conflit dogmatique entre le peu de gens sur le monothéisme, qui d'ailleurs s'éloignait d'eux-mêmes de l'emprise et de l'oppression des chefs polythéistes, et des polythéistes idolâtres eux-mêmes. Les véritables conflits entre les deux camps dans ce domaine ne surviendront et n'apparaîtront qu'à l'avènement de la prophétie. Face à cette situation déplorable de l'humanité, où les gens étaient plongés dans les méandres de la perdition, perdus dans l'obscurité du polythéisme sous ses formes diverses, et affairés à la course derrière cette vie d'ici-bas, en oubliant celle de l'au-delà pour laquelle ils ont été créés, Allah, dans sa grande miséricorde, a décidé d'envoyer un ultime prophète, qui aura pour tâche de guider les gens vers la vérité, afin qu'ils gagnent le salut et le bonheur dans les deux mondes. Il choisira le meilleur des hommes, Muhammad. Par lui, Allah réformera, purifiera les cœurs, rendra la vue aux aveugles et fera entendre ceux qui étaient imperméables à la vérité. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Inna Allah nazara ila ahli al-ard, famaqatahum, arabahum wa ajamahum. » إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يحصله الماء تقرأه نائما ويقظانا. Certes, Allah a regardé les gens de la terre et les a pris en aversion, les Arabes et les non-Arabes, sauf un petit nombre des gens du livre. Puis, il a dit, s'adressant au prophète, je t'ai envoyé afin de t'éprouver et d'éprouver les gens par toi. Et j'ai descendu sur toi un livre que l'eau ne saurait laver. Tu le lis en sommeil et en état d'éveil. Le hadith a été rendu bon par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'a. Nas'alallah jalla wa'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu. ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.